Pour marquer le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, 1616, voici en 30 minutes environ de larges extraits reliés par des résumés de sa comédie intitulée « Beaucoup de bruit pour rien » publiée en 1600. La traduction française est de François-Marie Hugo, fils de l'illustre, milieu du 19e. Choix des textes, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis, mars 2016.